li vien con moi. L'éliminant toute la boucle, mais il est con moi. Alphène tout, bien sûr, il est con moi. Je suis un peu conventionnel, il est con moi. C'est que l'ambiance de la paix, il est con moi. Avant de faire les émotions, il est con toi. Tout ce que tu fais au même loyer, tu as pensé.